et l'agneau. Lupus et agnus, un loup et un agneau, compulsi siti, poussé par la soif, venerant, était venu. Ad eundem rium, au même ruisseau. Lupus stabat superior. Le loup se tenait plus haut. Agnusque lungae inferior. Et l'agneau, de beaucoup plus bas. Tunc latro incitatus, alors le brigand excité, fauce improba, par son gosier vorace, intulit causam jurgi, apporta contre lui un prétexte de querelle. Cur inquit, pourquoi, lui dit-il, fecisti aquam turbulentam, as-tu fait l'eau trouble? Mihi bibenti, à moi buvant. Contra, en réponse, laniger timens, le portelaine craignant. Qui possum quaeso lupe, comment puis-je, je te prie, ô loup, facere quod quereris, faire ce dont tu te plains. Liquor decurit a te, le liquide descend de toi. Ad meos haustus, vers mes puisements. Ille repulsus, celui-là repoussé. Viribus veritatis, par la force de la vérité. Dixisti male, tu as dit mal. Mihi ait. De moi, dit-il. Anteos sex menses. Avant ces 6 mois. Agnus respondit, l'agneau répondit, Equidem non natus eram, moi, à la vérité, je n'étais pas né. Tus pater Hercle, ton père, par Hercule. Inquit ille, dit celui-là, Dixit male mihi, adi mal de moi. Atque ita, et ainsi, lacerat correptum, il déchire. L'agneau saisit, nece injusta, le faisant périr par une mort injuste. Haec fabula scripta est, cette fable a été écrite, propter illos homines, en vue de ces hommes, qui opprimunt innocentes, qui opprime les innocents, causis fictis, sous des prétextes inventés.